الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وخلال هذه الدروس سنقرأ في تلخيص لشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقد شرح الأربعين النووية شرحا مطولا وقد اختصره بعض المشايخ منهم سلطان الشميري قد اختصر هذا الشرح وسماه التلخيص المعين في شرح الأربعين. Donc, nous commençons le premier cours de la série de l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Et durant ces cours, nous allons nous baser sur un résumé de l'explication de Cheikh ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Cheikh ibn Uthaymeen qui a expliqué ces 40 hadiths de façon détaillée. Et certains mashayikh ont résumé cette explication de Cheikh Salih ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala afin qu'il soit à la portée de tout le monde et que l'essentiel que voulait transmettre Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah soit atteint. فأولا فيما يتعلق بالحافظ النووي رحمه الله تعالى فهو من أصحاب الشافعية المعتبرة وهو من أشد أصحاب الشافعية تأليفا فقد ألف في علوم شتى في الحديث وعلومه وألف كذلك في اللغة ويعتبر عند أهل العلم من أعلم الناس بالإسلام وكذلك مؤلفاته يظهر فيها الإخلاص لانتشارها في العالم الإسلامي وعلى سبيل المثال فلا يخلو مسجد من كتاب رياض الصالحين فهو من تأليف الإمام النووي رحمه الله تعالى وانتشار تأليف وكتاب يدل على صفاء نية مؤلفه. Concernant l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, c'est un grand imam qui suivait le madhab de l'imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Il faisait partie des grands imams de al-Shafi'iyya. Et parmi ces grands savants, celui qui a le plus écrit. Parmi ses ouvrages, il a écrit des ouvrages dans le hadith et dans la science du hadith. Ils sont plus connus. Et l'explication de Sahih Muslim, Sharh Sahih Muslim, qui est considéré chez les savants comme la meilleure explication de Sahih al-Imam Muslim. Il a aussi écrit des ouvrages dans la langue arabe. Il a également écrit d'autres ouvrages dans d'autres sciences. Et il fait partie, comme je l'ai dit précédemment, des imams qui suivent le madhhab al-Shafi'i, parmi ceux qui ont le plus écrit d'ouvrages. Et ces livres sont aussi les plus répandus dans le monde islamique et dans le monde musulman. Et ceci prouve son intention qui était sincère, car lorsqu'un livre est écrit en totale concordance avec les préceptes de l'islam et accompagné de la sincérité de son auteur, cela a pour conséquence que son livre est accepté chez les musulmans et qu'il est par la même occasion propagé et diffusé dans le monde musulman. Et à titre d'exemple, rares sont les mosquées qui sont démunies du livre Riyad al-Salihin, les jardins vertueux, dont l'auteur est l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. وهو يعتبر من أهل الاجتهاد رحمه الله تعالى وتعلمون أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. Et l'imam Nawawi رحمه الله fait partie des savants qui ont atteint le degré de l'ijtihad, c'est-à-dire un degré de science qui leur permet de prendre des positions et de se prononcer sur des sujets qui n'ont pas de texte lié ni dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais leur connaissance du Coran et de la sunna et leur compréhension de ces deux sources divines leur permet de pouvoir se prononcer dans des choses nouvelles qui apparaissent au sein de la communauté musulmane. وله بعض الأخطاء رحمه الله تعالى خصوصا في الأسماء والصفات فإنه لا يؤخذ عليها ونقول كما قال أهل العلم إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ولا ينبغي أن نتهمه رحمه الله تعالى بالتهم وأن نسبه بل وصل بعض الناس إلى أن قالوا بأن شرح صحيح مسلم ينبغي أن يحرق لما فيه من بعض الأخطاء في الأسماء والصفات فهذا قول مردود ولا ينبغي للمسلم أن يقبل مثل هذه التهم. L'imam Nawawi rahimahullah a fait quelques erreurs dans la aqidah, de façon plus précise dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons, comme disent les savants, les positions dans lesquelles ou dans lesquelles il a atteint la vérité, il en sera doublement récompensé. Et les sujets dans lesquels il s'est trompé, il aura une récompense rahimahullah ta'ala. Car lorsqu'il s'est prononcé, il pensait être dans la vérité et il pensait suivre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il ne faut donc pas faire comme font certaines personnes qui dénigrent l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, voire l'insultent, voire ordonnent aux gens de brûler son explication de Sahih Muslim au vu des quelques erreurs qui y sont contenues dans la aqidah. Ceci est une parole qui doit être rejetée et condamnée, et nous devons donner à nos savants, les contemporains et les anciens, la valeur qu'ils ont et leur trouver les excuses, car l'imam Nawawi rahimahullah pensait être dans la vérité et s'est prononcé selon ce qu'il savait à son époque et selon sa compréhension rahimahullah ta'ala, et en aucun cas son but n'était d'égarer la communauté. وسمي هذا الكتاب بالأربعين النووية وهي ليست أربعين في الحقيقة وإنما هي 42 لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنتين أو نقص واحدا أو اثنتين. Et ce livre appelé les 40 hadiths ne comporte pas en réalité 40 hadiths, mais il en comporte 42. Et les Arabes disent 40, même lorsque le nombre est inférieur à 40 de 1 ou 2, ou supérieur de 1 ou 2. Il est donc juste et vrai en langue arabe de dire 40, même si le nombre réel est de 38 ou de 39, ou qu'il est de 41 ou de 42. Pareil, il est autorisé de dire 50, même si le nombre exact est de 51 ou 52. Tout ceci a une source dans la langue arabe. فنبدأ بحمد بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة الحديث الأول ثم بشرحه مختصرا. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزباه البخاري رحمه الله وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. عن أمير المؤمنين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أبو حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى له. Donc le premier hadith est le hadith de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. L'imam Nawawi dit selon le guide des croyants Abu Hafs Omar ibn al-Khattab qu'Allah l'agréé, il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les actes ne valent que par l'intention et chaque personne sera récompensé ou sera rétribué selon son intention si elle aura été ou si son émigration aura été pour Allah et son envoyé alors son émigration sera pour Allah et son envoyé et si son émigration est vers une vie d'ici-bas qu'il veut atteindre ou une femme avec qui il désire se marier alors son immigration sera pour ceux pour lesquels il a immigré. L'a rapporté les deux imams dans le hadith, Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, ibn Bardizbah al-Bukhari, et Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj, ibn Muslim al-Qushayri, al-Naysaburi, dans leurs deux sahih, c'est-à-dire dans leurs deux livres appelés As-Sahih, qui sont considérés comme les plus authentiques livres écrits. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit, en expliquant la parole selon le guide des croyants, qui est Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, à qui la gouvernance des musulmans a été confié. Il a été désigné par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qu'Allah l'agréé, qui était le calife des musulmans avant lui. وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه وتلقته الأمة بالقبول التام حتى إن البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث ومعنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة. الشيخ دي en expliquant la parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lorsqu'il dit j'ai entendu, cela prouve qu'il a pris directement ces informations de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire. Ceci, car lorsqu'un compagnon dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire », cela prouve qu'il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a entendu directement sans qu'il n'y ait d'interface entre lui et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et un compagnon qui dit « selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam » ou qui rapporte « selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam » cela sous-entend qu'il l'ait pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'il l'ait pris indirectement du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est pour cela que les savants expliquent le fait que Abu Huraira radiallahu anhu était parmi les compagnons celui qui avait le plus rapporté de hadith. Les savants ont expliqué que Abu Huraira radiallahu anhu, dans beaucoup de ses hadiths, il dit rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve que Abu Huraira radiallahu anhu, les hadiths qu'il rapporte, il ne les a pas forcément entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon directe, mais le plus souvent de façon indirecte, avec entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un autre compagnon. Et ces termes du hadith, le hadith de Omar al-Khattab radiallahu anhu que l'on vient de citer, c'est le seul parmi les compagnons à l'avoir rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la communauté musulmane a accepté ce hadith à l'unanimité. Et Al-Bukhari, rahimahullah, a même préambulé ou a commencé son livre As-Sahih par citer le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et le sens de ce hadith est vrai. Et il y a une preuve de ce sens, à savoir que l'intention est importante en islam et que les actes et les adorations sont conditionnés par l'intention de la personne. Les hadiths et les versets sont très nombreux à ce sujet. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فيه من أوجه البلاغة الحصر والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه وطريق الحصر إنما لأن إنما تفيد الحصر وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما وإنما لكل امرئ ما نوى. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et les actes ne valent que par l'intention », il y a dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bénéfice à en tirer en termes de rhétorique. Et la rhétorique, c'est la science ou l'art de bien parler. Al-balagha, c'est la science qui permet à la personne de bien s'exprimer et d'utiliser les expressions adéquates pour transmettre aux gens de la meilleure des façons. Et en français, c'est la science de la rhétorique. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé al-hasr, qui est la restriction. Et cette restriction a lieu par le terme innama, a lieu par le terme innama. Mithlu Zaydun qa'imun, hada laysa fihi hasr. Comme par exemple Zayd est debout. Dans cette phrase, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction, ça veut dire que Zayd peut être debout comme il peut être amené à s'asseoir. ولما نقول إنما زيد قائم هذا فيه حصر أي أنه ليس إلا قائما أنه ليس إلا قائما. Contrairement à au fait de dire Zayd n'est que debout, cela restreint la position de Zayd, à savoir qu'il ne peut être que debout. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la même chose. Il n'a pas dit « al-a'malu bin-niyat », mais il a dit إنما الأعمال بالنيات وهذا للحصر أي الأعمال تجازى حسب النيات لا تجازى إلا على حسب النيات ففيه حصر وكذلك également يعني le prophète صلى الله عليه وسلم a utilisé cette restriction dans ce hadith il n'a pas dit les actes valent par leur attention mais il a insisté et a restreint le fait que les actes ne peuvent être rétribués que par l'intention. Le professeur Hassan m'a dit, les actes ne valent que par les intentions. Il y a donc une différence entre le fait de dire les actes valent par les intentions et les actes ne valent que par les intentions. Et également, ceci se reproduit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit wa innama likulli imri'in ma nawa et chaque personne sera rétribuée ou ne sera rétribuée que selon son intention. Ici aussi il y a une restriction, c'est-à-dire que l'être humain, l'homme ne sera récompensé et ne sera rétribué vis-à-vis de ses actes que en fonction de son intention. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فيه من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا لقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها والفائدة البلاغية في ذلك هي تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل أي ليس أهلا لأن يذكر بل يكنى عنه بقوله إلى ما هاجر إليه. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui dont l'émigration a été accomplie vers une chose de cette vie d'ici-bas qu'il désire, ou bien lorsqu'il émigre vers une femme avec qui il désire se marier, alors son émigration, il sera rétribué sur son émigration, ou plutôt son émigration sera considérée comme étant vers ce qu'il voulait atteindre. Et il y a également dans cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bénéfice à en tirer en termes de rhétorique. Et ici dans cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répété le terme dunya. Il a dit celui qui dont l'émigration est accomplie pour atteindre quelque chose de cette vie d'ici-bas, alors son intention sera pour ce dont il est parti. Et le prophète n'a pas dit alors son émigration sera pour cette chose d'ici-bas qu'il a voulu. Et le fait que le prophète sallam ne l'est pas recité explicitement, cela est considéré en rhétorique comme vouloir baisser de l'importance de cette chose. C'est-à-dire que c'est une chose qui ne mérite pas qu'on la cite, à savoir ces choses d'ici-bas que la personne recherche dans son émigration. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الجواب فهجرته إلى الله ورسوله فذكره تنويها بفضله. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui dont l'émigration est pour Allah et son envoyé, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Alors son émigration est pour Allah et son envoyé. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété deux fois pour Allah et son envoyé. Ceci pour vanter les mérites d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et pour montrer que ce sont deux choses qui ont leur importance en islam et chez les musulmans et qui méritent ainsi d'être recitées à deux reprises. Quant à la dunya et quant à la femme avec laquelle on désire se marier, ceci ne sont pas des moyens à vanter ou des causes à vanter en termes d'émigration. C'est pour cela que le professeur sallam ne les a pas recités explicitement, contrairement au fait de d'émigrer vers Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقول إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لأن فيه تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا والمرأة. Donc ici Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répété إلى دنيا يصيبها, vers quelque chose d'ici-bas qu'il recherche, ou vers une femme avec laquelle il désire se marier, car il y a dans le fait de ne pas les reciter explicitement un signe, un message à faire passer, à savoir que ce sont des choses qui ne sont pas méritoires en termes d'émigration. أما من جهة الإعراب وهو البحث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر الأعمال مبتدأ والنيات خبره وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر لكن قدم الخبر على المبتدأ والمبتدأ هو ما نوى متأخر. الشيخ العثيمين يعني explique au niveau de la grammaire arabe cette phrase en disant: la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par l'intention. Ici, les actes sont considérés comme un mubtada, c'est-à-dire la chose par laquelle la phrase commence, ou le terme par lequel la phrase est commencée. Wa niyatu khabaru, et niyat, les intentions viennent donner une information sur ses actions. Et également dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les actes où chaque personne ne sera rétribué que par son intention, ceci également est considéré comme un mubtada et un khabar. Et le mubtada ici étant ma'nawa, c'est-à-dire que normalement la phrase devait être ce qui a été intentionné, la personne en sera récompensée ou en sera rétribuée. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et chaque personne ne sera rétribuée que en fonction de son intention. Il y a ici al-mubtada qui est mutaakhir, c'est-à-dire qui vient à la fin de la phrase au lieu du début. Et quelque chose qui est retardé ou qui est mis à la fin alors qu'il devait être au début en arabe prouve que cela est restreint. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذه جملة شرطية أداة الشرط فيها من وفعل الشرط كانت وجواب الشرط فهجرته إلى ما هاجر إليه وهكذا نقول في إعراب قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. Également, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah explique la parole du prophète صلى الله عليه وسلم: et celui qui a émigré pour Allah et son envoyé, alors son émigration sera pour Allah et son envoyé. Ceci est une phrase conditionnelle qui est conditionnée par le mot man, et le verbe étant être, et la réponse à la condition est fahijratuhu ila ma hajara ilay, c'est-à-dire c'est une phrase conditionnelle, c'est-à-dire que celui qui émigre pour Allah et son envoyé, alors son émigration sera pris comme tel, c'est-à-dire comme étant pour Allah et son envoyé. Autrement dit, celui qui n'émigre pas pour Allah et son envoyé, alors son immigration sera considérée comme n'étant pas pour Allah et son envoyé. Et également, la même chose peut être dite dans la parole du prophète sallam, et lorsque son intention est pour quelque chose d'ici-bas qu'il recherche. أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها. Et dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, les actes, الأعمال, الأعمال c'est le pluriel de عمل qui veut dire un acte, une action. Et dans ce hadith, le terme les actes englobe à la fois les actes du cœur, les actes de la langue et les actes des autres membres du corps. Autrement dit, cela englobe toutes sortes d'actes et tout type d'actes et toute nature d'actes. Parmi les exemples que l'on peut donner sur les actes du cœur, il y a par exemple la confiance. Avoir confiance en Allah, hada amal amalul qalb. Hada min amalil qalb. Wa kadhalika al-inaba wal khashya, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, hada min a'mali al-qulub, ceci fait partie des actes du cœur. Amma fi ma yata'allaq bi a'mali al-lisan fa huwa al-qawl. Quant aux actes de la langue, ce sont les paroles. Et c'est même les actes qui sont les plus nombreux. Les paroles sont ce qui sont produites le plus par l'être humain. Et cela est expliqué dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Mu'ad, et les gens ne seront-ils pas plongés en enfer à cause des erreurs de leur langue? Wa a'malul jawarih, et également les actes des autres membres du corps, et qui sont le plus généralement les deux mains et les deux pieds. Donc, tout ce que tu fais avec ton cœur, tout ce que tu fais avec ta langue, et tout ce que tu fais avec les autres membres de ton corps, tu en seras récompensé et rétribué, et tu en seras jugé en fonction de ton intention. Al-a'malu bin-niyyat. النيات جمع نية وهي القصد وشرعا العزم على فعل العبادات تقربا إلى الله تبارك وتعالى ومحلها القلب فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par leur intention. الأعمال بالنيات, les actes par les intentions. النيات en arabe, c'est le pluriel du mot niyah. Et niyah signifie l'objectif, al-qasd, l'objectif ou le but. Ceci en langue arabe. Et en islam, l'intention, sa définition, c'est le fait de vouloir faire une adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle se situe dans le cœur. C'est-à-dire, l'intention, c'est le fait de vouloir faire une adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette intention se situe et réside dans le cœur. C'est donc un acte du cœur, et les autres membres du corps n'ont pas de relation avec cette intention. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ أي لكل إنسان ما نوى أي ما نواه. Et pour tout être humain, pour toute personne, c'est-à-dire tout être humain, ما نوى, c'est-à-dire il aura selon son intention, il aura en retour selon son intention, il aura en retour selon son intention. ثم قال الشيخ رحمه الله هنا مسألة هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أو مختلفان أو مختلفتان؟ الجواب يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد، ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التأكيد أن الثانية بمعنى الأولى. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأيان، والصواب أن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا. ويدل لهذا ما فرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه. إليا un point que Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah soulève en posant une question, à savoir est-ce que ces deux phrases ont le même sens ou bien leur sens diffère-t-il. Ces deux phrases qui sont les actes ne valent que par l'intention, et toute personne sera récompensée selon son intention. Est-ce que ces deux phrases veulent dire la même chose, ou est-ce que chacune comporte son sens qui lui est propre? La réponse, c'est que la base dans une parole, c'est-à-dire que la deuxième parole a un sens qui lui est propre, et la première aussi. Ça, c'est la base dans la langue arabe. Lorsqu'il y a deux phrases qui se succèdent, la base, c'est que la première phrase a un sens et que la deuxième en a un autre. Mais il peut arriver que la première phrase ait un sens et que la deuxième phrase vienne appuyer le premier sens. Il est possible que la deuxième phrase vienne appuyer la première phrase. Et l'avis le plus sûr dans ces phrases rapportées dans le hadith de Omar al-Khattab, c'est que la première phrase a un sens et la deuxième en a un autre. La première signifie ou est en rapport avec al-manwi wa huwa al-amal. La première phrase, les actes ne valent que par leur intention, elle a un rapport avec l'acte lui-même. Laha alaqa bil amal. Wa athaniya bi'tibar al-manwi lah. Et la deuxième phrase, et chaque personne sera rétribuée selon son intention, c'est-à-dire selon la personne ou la chose pour qui il a fait son acte. C'est clair ou pas pour vous? Ou c'est un peu compliqué? Compliqué. يعني إنما الأعمال بالنيات. Ici, les actes ne valent que par leur intention. Qu'est-ce qui est concerné dans cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'acte. C'est-à-dire que si ton intention est mauvaise, ton acte sera mauvais. D'accord? Et dans la deuxième phrase, elle concerne la chose pour qui tu fais l'acte. La personne sera rétribuée en fonction de pourquoi elle a fait son acte. Est-ce qu'elle l'a fait pour Allah ou est-ce qu'elle l'a fait pour cette vie d'ici-bas? Donc, les deux phrases ont chacune un sens qui leur est propre. والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض ومثال تمييز العادات عن العبادات أولا الرجل يأكل الطعام شهوة فقط والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله تعالى في قوله وكلوا واشربوا أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. Et le but de l'intention permet de différencier entre les traditions et les adorations. Et également permet de séparer ou de pouvoir différencier des adorations entre elles. À titre d'exemple, l'intention peut servir à différencier entre une tradition et une adoration. Prenons l'exemple d'un homme qui mange parce qu'il a faim et qu'il a envie de manger. Et un autre homme qui mange car il applique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ كَمَا فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ. Le premier a mangé par tradition et le second a mangé par adoration. Le premier a mangé parce qu'il avait envie de manger, parce qu'il avait faim, point final. Et le second a mangé parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de boire et de manger dans le Coran. Dans Sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulu wa sharabu, et mangez et buvez, wa la tusrifu, et ne gaspillez pas, innahu la yuhibbu al-musrifin, car il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, n'aime pas les gaspilleurs. Donc là, l'intention vient différencier entre quelque chose de traditionnel et quelque chose qui est fait pour adoration, malgré que l'acte soit le même. Les deux ont mangé. ثانياً الرجل يغتسل بالماء البارد تبرداً والثاني يغتسل بالماء من الجنابة فالأول عادة والثاني عبادة ولهذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات. Un deuxième exemple que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a donné, un homme qui prend une douche froide pour se rafraîchir. Et un autre homme se lave car il est en état de grande impureté. Le premier s'est lavé traditionnellement et le second a fait une adoration. Les actes sont les mêmes, les intentions ne sont pas les mêmes, et c'est cette intention qui fait que le premier acte est considéré comme une tradition et le second comme une adoration. Et on a dit que les intentions permettent aussi de différencier, de distinguer des adorations entre elles. Donc on a vu comment une intention distingue d'une tradition et d'une adoration. Maintenant, Cheikh Al-Uthaymin va donner un exemple qui nous montre ou qui nous illustre comment l'intention distingue une adoration par rapport à une autre. مثاله رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة فالعملان تميز بنية هذا نفل وهذا واجب وعلى هذا فقس. Un homme qui prie deux rak'at avec l'intention d'accomplir des prières surérogatoires. Une personne qui dans la journée décide de prier deux rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala à titre surérogatoire. Et un autre prie deux raka'at, mais il a l'intention de prier, par exemple, la prière du Fajr, une prière obligatoire. Les deux actes sont les mêmes, c'est-à-dire ce sont deux adorations qui sont le fait d'accomplir deux raka'at, mais l'une est considérée comme surérogatoire et l'autre est considérée comme obligatoire, même si l'acte en lui-même est le même. Et ce qui différencie ici, c'est l'intention. Et à travers cette règle, vous pouvez faire beaucoup d'autres analogies. ثم قال واعلم ان النيه محلها القلب ولا ينطق بها اطلاقا لانك تتعبد لمن يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور والله تعالى عليم بما في قلوب عباده ولست تريد ان تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متقلبك وماضيك وحاضرك ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية. Puis Cheikh Al-Uthaymin dit: sache que l'intention réside dans le cœur et qu'elle ne doit pas être prononcée. Une intention n'est jamais prononcée en islam. Elle n'est jamais prononcée par la bouche. Car, Cheikh Al-Uthaymin dit, car tu adores et tu vénères celui qui connaît la ruse des regards et ce que renferment les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que les regards cachent. Et les savants ont expliqué cela en disant que si tu es assis à côté d'une personne qui regarde du coin de l'œil, qui regarde comme ça, est-ce que celui qui est assis à côté de lui sait que son camarade à côté regarde à droite ou à gauche? Il le sait ou il ne le sait pas? Il ne peut pas le savoir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, le sait. Donc c'est l'explication de Kha'inat al-A'yun. Wama turfi al-sudur, également Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui réside dans les poitrines, connaît l'intention de chacun. Et Allah Azza wa Jal connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'ensemble de ses serviteurs. Et toi, lorsque tu te lèves pour prier, par exemple, ou pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, adores-tu quelqu'un qui ne sait pas ton intention? et qui justifierait le fait que tu prononces ton intention par la langue, ou est-ce que tu adores quelqu'un qui sait ce que tu caches à l'intérieur de toi, qui connaît ton futur et ton passé et qui connaît aussi ton présent? Lorsqu'on se lève pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on adore quelqu'un qui ne sait pas notre intention? Oui ou non? Si c'est oui, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il connaît notre intention? Il connaît notre intention. Donc pourquoi la prononcer avec sa langue? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Ça ne sert à rien de dire Bismillah, anoui, anousali salat al-asr. Bismillah, j'ai l'intention de prier salat al-asr et Allahu Akbar. Est-ce que tu adores quelqu'un qui ne sait pas pour justifier le fait de le prononcer? Non. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est passé, il sait ce qu'il y a de présent et il sait même ce que tu vas dire dans les années à venir, il sait même la dernière parole que tu prononceras de ton vivant. Donc ça ne sert à rien de prononcer ton intention avec ta bouche. L'intention, elle est dans le cœur. Et c'est pour cela qu'il n'a été rapporté, qu'il n'a pas été rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, qu'ils ont ne serait-ce qu'une fois prononcé leur intention avec leur langue. Il n'y a aucun hadith et aucun compagnon n'a prononcé une intention avec sa bouche. Il n'y a même pas de hadith faible sur ça. وهنا مسألة إذا قال قائل قولك قول الملبي لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم ولبيك حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا أليس هذا نطقا بالنية؟ فالجواب لا، هذا من إظهار شريعة النسك، ولهذا قال بعض أهل العلم إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة من عقدت صلاتك. Et Cheikh Al-Uthaymin soulève un point, rahimahullah, et dit: et si quelqu'un te dit, mais celui qui est au Hajj ou à la Umrah, il dit labbayk Allahumma Umrah, ou Allah, je viens à toi pour, par une Umrah, ou labbayk Allahumma Hajjan, ou Allah, je viens à toi par un Hajj. Ou bien labbayk Allahumma umratan wa hajjan, pour celui qui est qui fait le qiran, pour celui qui est qarin, celui de dire oh Allah, je viens à toi par une umra et par un hajj, c'est-à-dire les deux en un. Alaysa hadha nutqan binniyyah, ceci n'est-il pas considéré comme prononcer une intention? Beaucoup soulèvent ce point d'ambiguïté lorsque l'on leur expose que l'intention ne se prononce jamais par la langue. Ils disent oui, mais celui qui est au Hajj, il dit labbayk Allahumma umrah, labbayk Allahumma hajjan. Il prononce bien avec sa langue, c'est bien une intention. La réponse est non. Ceci n'est pas considéré comme une intention. Ceci est un emblème du pèlerinage. Ceci est un emblème du pèlerinage et ce n'est pas une intention. Ce n'est pas une intention. Et les savants disent que pour illustrer que la talbiya, le fait de dire labbayk Allahumma umrah ou labbayk Allahumma hajjan, que ceci est comparable à takbirat al-ihram dans la prière, au premier takbir de la prière. Lorsque tu ne dis pas labbayk Allahumma umrah ou lorsque tu ne dis pas labbayk Allahumma hajjan, tu ne rentres pas en état de sacralisation. Tu n'entres pas en état de sacralisation. Pareil, lorsque tu ne dis pas Allahu Akbar au début de ta prière, tu n'es pas considéré comme étant en prière. Car le professeur Hassan m'a dit wa tahrimuha at-takbir wa taslim wa tahliluha at-taslim. Ce qui la rend sacrée ou ce qui fait que tu entres en état de prière, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Mais le fait de dire Allahu Akbar, ce n'est pas une intention, c'est une parole que tu prononces par laquelle tu vas rentrer en prière. Et les savants disent qu'elle est appelée Takbirat al-Ihram, car lorsque tu vas prononcer cette parole, il y aura des choses qui te seront interdites de faire et qui sont autorisées en dehors. Celui qui prie, qui est en état de prière, est-ce qu'il a le droit de manger ? Est-ce qu'il a le droit de boire ? Non. Mais lorsqu'il sort de sa prière, est-ce qu'il a le droit de manger, de boire ? Oui. Qu'est-ce qui a fait que cela est interdit dans un cas et autorisé dans l'autre ? C'est Takbirat al-Ihram. Pareil, il est interdit de rire pendant sa prière. Il est interdit de rire pendant sa prière. Et à partir de quel moment tu n'as plus le droit de rire, c'est quand tu dis Allahu Akbar. Et ceci jusqu'à ce que tu dises le taslim. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa tahliluha at-taslim. Et ce qui la rend licite, c'est-à-dire ce qui te rend licite, ce qui t'était interdit pendant la prière, c'est le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est la même chose en termes de hajj et de umrah. Ce qui va faire en sorte que tu vas rentrer en état d'ihram, en état de sacralisation, c'est le fait de dire labbaik allahumma umratan si tu fais l'umrah, ou labbaik allahumma hajjan si tu fais un hajj. Celui qui est en état d'ihram, est-ce qu'il a le droit de se parfumer ? Non. Est-ce qu'il a le droit de se couper les ongles, etc., etc. Il y a beaucoup d'actes que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de faire. Et qu'est-ce qui lui a interdit de le faire ? C'est le fait de prononcer la talbiya. Et en aucun cas, la talbiya n'est considérée comme une intention. Comme takbirat al-ihram n'est pas considérée comme une intention. Est-ce que le fait de dire Allahu Akbar, est-ce que Allahu Akbar ici c'est une intention ? Non. Et bien c'est pareil pour la talbiya, ce n'est pas une intention. L'intention réside dans le cœur. ولهذا ليس من السنة أن يقول أن يقال اللهم إني أريد نسك العمرة أو أريد نسك الحج فيسره لي لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه فإذا قال قائل قالها فلان في كتابه الفلاني فلاني فقل له القول ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الشيخ العثيمين دي رحمه الله et c'est pour cela qu'il ne fait pas partie de la sunna de dire je veux faire ma umrah. Yani de prononcer cela, de dire je veux faire ma umrah. Ou j'ai l'intention de faire la umrah. Ou je suis venu pour faire mon hajj. Il n'est pas autorisé de le dire, de le prononcer, de prononcer ces paroles. Ou bien de dire oh Allah, je veux le pèlerinage, facilite-le-moi. En disant cette parole pour but d'intention. Car ceci est une parole qui n'a été rapportée ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallam, et ni les compagnons ne l'ont dite. Et si quelqu'un vous dit, mais un tel l'a dit dans son livre un tel. Si quelqu'un vous dit, oui, mais moi j'ai lu dans un livre qu'on doit prononcer l'intention. J'ai lu dans le livre de telle personne, de tel auteur, il a dit, il faut dire, quand tu pries l'asr, Bismillah, anoui salat al-asr ou anoui salat al-dohr. La réponse est al-qawlu ma qala Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. La réponse est nous suivons ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne suivons pas ce qu'a dit tel ou tel auteur dans tel ou tel livre. Ce qui est une référence chez nous, ce sont le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit taraktu fikum amrayni لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit je vous ai laissé deux choses, vous ne serez jamais égarés tant que vous y serez cramponnés, le livre d'Allah et ma sunna. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم a dit et ils ne seront jamais séparés. Ils ne seront jamais séparés, c'est-à-dire le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne seront jamais séparés. L'un explique l'autre. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient expliquer les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne seront séparés que lorsque le fleuve du prophète sallam lui sera présenté, c'est-à-dire le jour du jugement. Mais dans cette vie d'ici-bas, le Coran et la Sunna sont les deux sources divines, les deux sources de référence auxquelles doivent retourner les musulmans. وإنما لكل امرئ ما نوى هذه هي نية المعمول له والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال فمن كانت هجرته الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك أما في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et pour chaque personne, ou chaque personne sera rétribuée en fonction de son intention. Ceci veut dire que tu seras récompensé en fonction de ton intention. Et les savants donnent l'exemple et disent que deux personnes peuvent prier l'une à côté de l'autre, et la différence qu'il y a entre les deux est égal à la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Une personne qui prie en étant concentrée, en ayant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lisant le Coran, la Fatiha, en connaissant ses sens, en les méditant, en prenant conscience et en prenant conscience du sens des versets qu'il récite, et cela crée en lui une concentration et une crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'autre personne qui est juste à côté de lui est pressée que la prière se finisse et pense déjà à la chose qu'il va faire à telle heure, il a un rendez-vous à telle heure, il doit acheter telle chose à telle heure, il doit revenir, il a ci à faire, et sa prière n'est en réalité que de la gestuelle. Ce sont deux personnes qui font la même adoration, et la différence en termes de récompense est semblable à la distance qui sépare les cieux de la terre, car il est clair que cette personne qui a prié de façon craintive et de façon concentrée sera beaucoup plus récompensée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui a été distrait en pensant qu'aux choses futiles de cette vie d'ici-bas. Pour cela que le prophète sallam a dit dans un hadith authentique qu'une personne sort de sa prière, ma lahu illa ushruha tis'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha thuluthuha nisfuha. En hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne prie et il n'a de sa prière lorsqu'il la termine que le dixième, que le neuvième, que le huitième, que le septième, que le sixième, que le cinquième, que le quart, que le tiers, que la moitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à la moitié dans le hadith. Donc une personne qui... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ici en termes généraux, c'est-à-dire que les gens en général, le meilleur d'entre eux, ressort avec la moitié de la récompense de sa prière. Et que ceux qui ont la récompense complète se comptent de façon très très limitée. Donc... C'est pour cela que le musulman doit apprendre comment faire sa prière, et sa prière doit être la même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, un musulman ne peut pas prier comme a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans apprendre un minimum, sans se renseigner et s'instruire un minimum, et demander et ne pas hésiter à questionner sur les choses ou sur les ambiguïtés ou sur les points à éclaircir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni ou salli » Priez comme vous m'avez vu prier. Ne priez pas comme vos parents vous ont dit de prier. Ne priez pas comme vous avez vu un tel de prier. Ne priez pas, etc. Mais priez comme vous m'avez vu prier. D'accord ? Et qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ce sont ses compagnons qui nous ont rapporté de façon très précise, de façon très détaillée, la prière du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Puis l'Uthaymin rahimahullah a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ الْهِجْرَ فِي اللُّغَةِ مَأْخُودَةُ مِنَ الْهَجْرِ وَهُوَ التَّرْكِ. Celui dont l'émigration, et l'émigration signifie en langue arabe, elle vient du terme al-hajr, et al-hajr en arabe signifie délaisser. Al-hajr en arabe, ça signifie le fait de délaisser quelque chose. Et en islam, ça signifie le fait de se déplacer et de partir d'un pays non musulman vers un pays musulman. وهنا مسألة هل الهجرة واجبة أو سنة والجواب أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم إسلامه إلا بالهجرة وما لا يتم الواجب به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Ici un point que Cheikh Al-Uthaymin soulève, rahimahullah, est-ce que l'immigration est obligatoire ou est-ce qu'elle est préférable? La réponse: l'immigration, c'est-à-dire le fait de partir d'un pays non musulman vers un pays musulman, est obligatoire pour tout croyant et tout musulman qui n'a pas la possibilité de pratiquer de façon ouverte sa religion dans un pays non musulman. Et sa religion et son islam ne sera complet que lorsqu'il aura émigré. Et une chose qui, pour être accompli, on doit faire une autre chose pour que cette chose soit faite, alors cette chose est obligatoire. Autrement dit, il est obligatoire d'appliquer et de pratiquer sa religion ouvertement, sans contrainte. Ceci est une chose obligatoire. Et si le fait de devoir partir et d'émigrer, c'est ce qui va te permettre de pratiquer ouvertement ta religion, alors d'émigrer est obligatoire. Ma la yatimu al-wajibu. Ma la yatimu al-wajibu illa bihi, fa huwa wajib. Lorsque l'obligatoire ne peut être accompli que par une chose, alors cette chose devient obligatoire. Lorsque le fait d'appliquer et de pratiquer sa religion ne peut être fait que en partant, en émigrant, alors l'émigration est obligatoire. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة. Comme l'émigration des musulmans de la Mecque vers l'Éthiopie ou ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كرجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله أي يريد ثواب الله ويريد الوصول إلى الله كقوله تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله إذن يريد الله أي يريد وجه الله ونصرة دين الله وهذه إرادة حسنة ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفوز بصحبه ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو إليها والذب عنه ونصرة دينه فهذا هجرته إلى الله ورسوله. Et le professeur Asselam a dit: celui dont l'émigration est accomplie vers Allah et son envoyé, alors son émigration sera vers Allah et son envoyé, comme une personne qui est partie de la Mecque avant que la Mecque ne soit prise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens partaient de la Mecque, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam partaient de la Mecque vers Médine en voulant Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils voulaient la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Allah azza wa jal, wa in kuntunna turidan Allah wa rasula, comme Allah azza wa jal a dit: et si vous voulez Allah et son envoyé. Et si vous voulez Allah et son envoyé. C'est-à-dire que ces personnes, que ces compagnons radiallahu anhum, ont émigré de la Mecque vers Médine en voulant Allah subhanahu wa ta'ala, en nous voulant dans cet acte que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous voulant que la face d'Allah azza wa jal, et en voulant donner victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci et sans aucun doute une intention qui est bonne. Wa yuridu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce que signifie de vouloir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ses compagnons voulaient atteindre et avoir ce degré de compagnie d'être compté et considéré comme étant un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, ils ont émigré pour appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour appeler à cette sunna et la suivre et donner victoire à cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci explique donc le sens de émigrer vers Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Wa naktafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.